plus jamais la nuit sur notre amour descendrait. Si tu voulais je t'offrirai les matins clairs, brodés de perles, de lumière. Si tu voulais, pour toi, sans regret, là où tu voulais. La corrida lyonnaise, c'est un passo-doble et c'est l'ami Hubert et l'ami Eric qui s'y attachent. We'll be right back.

Il faut toujours qu'il y ait des amis autour de toi. C'est à croire que tu t'ennuies seule avec moi. Reviens me dire que tu m'aimes et oublions tous nos problèmes. Pour toi, j'ai déjà donné. Je suis prête à recommencer. Tu le sais. Reviens me dire que tu m'aimes. Je resterai toujours la même, fidèle comme tu m'as. Ne me quitte pas, et si tu t'en vas, les amants du monde entier vont pleurer comme moi. Le couple idéal, ça n'existe pas, c'est dans les romans qu'on l'imagine quelquefois. Tu as raison, je suis peut-être un peu jalouse, mais j'ai tellement d'amour à donner. Parfois, je voudrais que le temps s'arrête. Te garder, rien qu'à moi. Reviens me dire que tu m'aimes et oublions tous nos problèmes. C'est vrai que pour toi et moi, l'amour est au-dessus des lois. La la la la la la la la la la la la la la la. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Souvenir de toi parsemé de tendresse, souvenir si doux qui ne me quitte plus. Souvenir de toi d'un matin de tristesse, de ce rendez-vous où tu n'es pas venu. Souvenir de toi, je t'espérais chez toi. Le son de ta voix chante encore dans mon cœur. Souvenir de toi, je te cherchais, je pleure. Emportant mon bonheur. Souvenir de toi qui tourne dans ma tête, qui hante mes rêves jusqu'au bout de mes nuits. Souvenir de toi qui jamais ne s'arrête, jamais ne s'achève, et partout me poursuit. Souvenir de toi, je t'espérais chez toi. Le son de ta voix chante encore. Je te cherchais, je pleure. Mon amour s'en va, emportant mon bonheur. Mais je garde en moi le sourire.

écoutez sur GFM, la radio.